So, the receptionist is about to show the hotel's position on the map in relation to the bookshop. We'll return to that scene in a moment. But first, some useful language about giving and receiving directions. Remember in Unit 1, the receptionist telling Hélène that the lift was on the right? Il y a un ascenseur? À droite, madame. The opposite of à droite is à gauche. On or to the left. Écoutez encore et répétez. À gauche. Now for the other words and phrases. Oui, les autres mots et phrases. Écoutez le français, l'anglais, le français encore. Et puis répétez. Bien sûr. Commencez. Vous voyez? You see or do you see? Vous voyez? En sortant de. When you leave or go out of. En sortant de. Tourner. Turn. Tourner. Tout droit. Straight on. Straight ahead. Tout droit. Aller tout droit. Go straight on. Aller tout droit.